Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, un voyage musical différent dans Lost in Space sur les ondes du Radio 100 FM de Radioactive. J'ai un peu bégayé, excusez-moi. Et donc, un voyage différent comme je vous le disais, et aujourd'hui un voyage plutôt dans le monde du groove et de la musique un peu dansante, parce que les beaux jours sont bien là, il faut en profiter, sortir même si c'est dimanche soir. Et donc on attaque immédiatement avec Cake et un vieux morceau des années 2000 qui s'appelait Perhaps, Perhaps, et ça enchaîne. Et mettez vos chaussons de danse, et c'est parti! Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer. Can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. How do you say delight, delight, delight, delight? We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Dig. When we're done, satisfaction of what's to come. Groove is Watch out. The death of all the groove moves to the dance loop. We're going through to what is who. Oh, malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric. To the die, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Oh, yeah. Don't forget, groove is in the heart, and Delight has definitely been known to smoke. On stage, that is. De groovy! Thank you. L'intimidation est une pratique horrible, mais c'est aussi une réponse commune qu'utilisent les gens qui luttent pour élever leur statut social. Le harcèlement, le colportage de rumeurs et l'intimidation ne sont pas propres aux pratiques adolescentes. La différence est que les adultes ont appris à manipuler et à cacher leurs traces. En d'autres termes, les adultes sont beaucoup mieux équipés pour faire des dommages avec ces pratiques que les enfants et les adolescents. MTV, lass mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich still, kein Gefühl. Grelle Fummels aus dem 50-60, alles Soul und Trumpf gemeint. Aus Coda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich still, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl. In seiner Fetner schlafe ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Das Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Ist es nur sein Sturm fallen voll, da bleib ich kühl. Kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxe leg ich mich nicht um. Nur der Schall ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal, deine blauen Augen. So blaue Augen, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Thank you. Laurie Drew a abusé de son pouvoir et de sa connaissance de la psychologie pour humilier et torturer une jeune fille. Il est dommage que la plupart des lois se concentrent sur la dénonciation des violences sexuelles et physiques et négligent la violence psychologique qui est difficile à justifier et à poursuivre, explique la chercheuse. Pourtant, elle aurait dû être jugée pour maltraitance d'enfant plutôt que pour un crime de nature informatique, dénonce encore Dana Boyd. Let it be. someone like that, who borrows money and won't pay you back. They'll talk about you at the drop of a hat, lie about it to your face when they're caught. There's some people that you just can't trust. Some people just talk too much. Take my advice and listen up. Don't be a fool like the rest of us. Now listen up. Ce cas n'est pas typique, rappelle avec prudence la chercheuse, dans un contexte où la généralisation est souvent trop rapide. Pour l'instant, l'intimidation est plus courante et souvent plus terrible en face à face qu'en ligne. L'intimidation n'a pas augmenté avec l'Internet, mais sa visibilité aux adultes, elle, oui. Les enfants ont toujours subi des intimidations par leur père à l'école, sans que les adultes ne le sachent toujours. Or, désormais sur le web, les adultes peuvent le voir. Pour la plupart des gens, cela signifie que l'Internet est coupable. Étouffer l'intimidation en ligne ne la fera pas disparaître, mais risque juste de la renvoyer vers la clandestinité, alors que la visibilité nous donne un avantage que nous pourrions utiliser pour essayer de l'arrêter. Somebody wants to help. Look at all these blisters on my feet. All those silly conversations don't mean that much to me. And if I had the chance to say the words that come to mind, I'd say that everybody here is perfectly designed to walk along an empty road and pick up anything that they can find. A moment just to let me have the floor, I'd say that all my fear and shame have fallen out the door. And searching for acceptance or permission isn't worth it anymore. Now I'm finished. tengo invitación. Fiesta de alumnos del 73. Puedes venir y una tras otra me verás desdecir. Ella estará allí. No nos vemos desde los 16. Y cuanto más lo pienso, más cardíaco y más inquieto. No pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien. Estará bien. Y haga lo que haga, estará bien. El daño hecho, hecho está. Sigo escribir los come orejas de la barra del bar. Ella estará allí. No nos vemos desde los 16. De pronto vas y giras y tu mirada me fusila y dices: no pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien. Explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien. Estará bien. Y haga lo que haga, estará bien. El daño hecho, hecho está. ¿Para qué? El resto da igual. Y sigo dale, dale, dale. Plus de 100 ans après l'invention de la machine à vapeur, la révolution industrielle avait finalement trouvé sa philosophie et son philosophe. La chorégraphie industrielle stricte de Taylor, son système comme il aimait l'appeler, fut adoptée par les fabricants dans tout le pays et avec le temps dans le monde entier. À la recherche de la vitesse, de l'efficacité, de la rentabilité maximale, les propriétaires d'usines utilisèrent les études sur le temps et le mouvement pour organiser leur production et configurer le travail de leurs ouvriers. Le but, comme Taylor le définissait dans son célèbre traité de 1911, la direction des ateliers, le titre original de Principles of Scientific Management pourrait être traduit en français par les principes de l'organisation scientifique, était donc d'identifier et d'adopter pour chaque poste la meilleure méthode de travail et ainsi réaliser la substitution graduelle de la science à la méthode empirique dans les arts mécaniques. une fois que le système serait appliqué à tous les actes du travail manuel, garantissait Taylor à ses émules, cela amènerait un remodelage non seulement de l'industrie, mais également de la société, créant une efficacité parfaite utopique. Dans le passé, l'homme était la priorité, déclare-t-il, dans le futur, la priorité ce sera le système. Thank you. My name's is Reggae Fever. I saw you walking down the little block until you got a little reggae fever shot. Put it back on the track. Alright, alright. My name is Reggae Fever. Reggae Fever, you know. And when I saw you do the shot until you got a little reggae fever coming out of this, and baby, I would say, alright, alright. My name is Reggae Fever. Reggae Fever, you know. Cause I want you down. We'll be right back. le système de Taylor, le taylorisme, est encore bien vivant. Il demeure l'éthique de la production industrielle. Et désormais, grâce au pouvoir grandissant que les ingénieurs informaticiens et les programmateurs de logiciels exercent sur nos vies intellectuelles, l'éthique de Taylor commence également à gouverner le royaume de l'esprit. Internet est une machine conçue pour la collecte automatique et efficace, la transmission et la manipulation des informations, et des légions de programmeurs veulent trouver la meilleure méthode, l'algorithme parfait pour exécuter chaque geste mental de ce que nous pourrions décrire comme le travail de la connaissance. Hearing your views, Dr. Spock, Captain Kirk, generation I love to flirt, getting down, funky sounds, one and only James Brown. Mobs and rockers having a fight, zooming around on Vespa bike, out of touch, out of reach, our heads on Brighton Beach. Flower power, paint your face, baby boom for the human race, miniskirts in magazines, goodbye Miss Norma Jean, Thunderbird, Stingray, Captain Scarlet, Doris Day, walking, walking down the street, talk to someone you meet. Talk about the go-go beats. Swish outside your feet. Crazy colors, the lights go blue, and don't forget that goddamn who. winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Skatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! The Guns of Navarone. Thank you. siège de Google à Mountain View en Californie, le Googleplex est la haute église d'Internet et la religion pratiquée en ses murs est le taylorisme. Google, selon son directeur général Eric Schmidt, est une entreprise fondée autour de la science de la mesure et il s'efforce de tout systématiser dans son fonctionnement. En s'appuyant sur les téraoctets de données comportementales qu'il collecte à travers son moteur de recherche et ses autres sites, il réalise des milliers d'expériences chaque jour selon le Harvard Business Review et il utilise les résultats pour peaufiner des algorithmes qui contrôlent de plus en plus la façon dont les gens trouvent l'information et en extraient le sens. Ce que Taylor a fait pour le travail manuel, Google le fait pour le travail de l'esprit. Dave. Bomba. Mate, I got a gig for you. What? It's the best gig of your life, mate. But you got to go straight there, now. Ooh. You got the scar locator? Yeah, I got it. I think it's working. I'll tell you how to get there. Just use the scar locator. Déjà les années précédentes, des chansons d'évasion avaient beaucoup de succès, ce qui montre à quel point les gens étaient prêts pour une société avec des moments de liberté dans laquelle les loisirs entreraient par la grande porte. « stop and take a little time. Okay. One, two, three. Night boat to Cairo. Thank you. bien pour chaque année plusieurs documents. Oui, bien sûr. Vous avez classé année par année ou pas? Oui, oui, c'est pas. Je vais vous montrer un document dans lequel tout est classé. Ça, c'est la lettre de la CIMAD qui a été faite à la préfecture. Alors là, vous avez la date. Voilà. Enjoy yourself, enjoy yourself. things and ting. Them checks say we hip and ting. True, them no know and ting. We have them going and ting. Now pop, no style. All strictly roots. Now pop, no style. All strictly roots. See me on the road and you no call out to me. True, you see me in my pants and ting. See me in my altar back. Send me gear heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them checks say we come from Cosmo Spring. But the true them no know and ting. Them no know say we top ranking. Uptown top ranking. Should I see me and the ranking dread? Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a khaki suit and ting. Now pop no style. I strictly roots. Now pop no style. Chuck it and ting. In our khaki suit and ting. Love is all I bring. In our khaki suit and ting. Now pop no style. A strictly roots. Now pop no style. A strictly roots. Send me give you heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Uptown top ranking. See me from the road and you not call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Ça, dans cette lettre, vous allez avoir toutes les preuves de ma présence pendant 15 ans. Mais là, ils m'ont demandé 10 ans, donc il y a depuis 85. Mm-hmm. Bon, mais on n'a pas besoin de ça, on a besoin de 92. 92, ouais. Voilà. Ensuite, comme il n'y a rien eu, la CIMAD m'a orientée chez un avocat. D'accord. Il a fait une requête. Au tribunal. Hein. Oui, il a fait une requête au tribunal. D'accord. Ça, c'est bon, c'est rien. Donc, à la suite, quand ils ont reçu la lettre de mon avocat, ils m'ont dit, Madame, vous présentez-vous avec les originaux. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. All the years. just to talk to you words again. of only vanity and no love for humanity shall fade away, fade away. He who checks for only wealth and not for his physical health shall fade away, fade away. Though some believe in diamonds and pearl and feel like they're on top of the world, they shall fade away, hear what I say. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Yeah, hear what I say. The man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his own soul, then fade away. One who's always acting smart and don't carry no love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and he knows when you play the game unfair. So people beware, or else you fade away. And then you fade away. You gotta fade, you gotta fade, you gotta fade now. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Hey, hear what I say. One who's always acting smart and forgetting to carry love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and his eyes, his eyes are watching you. You gon' fade away, yeah, yeah, gon' fade, fade, fade, fade away. Of only vanity and no love for humanity shall fade away. Fade away, fade away. What I say. Thank you. or else you fade away. Hear what I say, hey, hear what I say. Je me suis présentée un jour parce que je reçois mon courrier chez Madame Dos Santos. Mm-hmm. Et elle n'a pas pu me contacter à cause de mon téléphone. Et quand elle a pu me contacter, j'ai couru et j'avais un jour de retard. Et quand je suis arrivée, ils ont refusé de me parler. Ils m'ont dit « Pourquoi vous n'êtes pas venue hier ?» Ooh. as the fish turns. I am gonna make you a rock star. What do you think about that, huh? I'm sorry, but we're not interested in being rock stars. He's right. This is our happiness, and these are our riches. Maybe this'll change your mind. Wow! Will the fish sell out? Stay tuned for the exciting conclusion. Go by. Je les ai suppliés, je leur ai dit redonnez-moi seulement un rendez-vous. Ils m'ont pas donné de rendez-vous. Je me suis représentée un autre jour avec mes originaux et là, une demoiselle gentille comme vous m'a acceptée. Et elle a vérifié tous mes originaux. J'ai dit, est-ce que maintenant je peux perdre mes originaux ou les égarer ou les cacher ou... Parce que là, j'ai un casse-tête parce que je suis en foyer et tout ça, je peux les perdre. Elle m'a dit, soyez tranquille, maintenant la vérification a été faite. On va vous appeler juste pour vous donner votre titre de séjour. Vous allez ramener vos photos et on vous donne votre titre de séjour. 91X Sessions are brought to you by Jersey Mike's. Because have you had a Jersey Mike's sub? They are so good. We'll be right back. blood. Oi, oi, I don't wanna die.